Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. France Inter. Merci à toute l'équipe de Blockbuster pour vos émissions. J'ai un scoop, j'ai démasqué Frédéric. Quand je vois le nombre de films, de séries, de livres, de jeux vidéo qu'il a lu, joué, regardé, etc. Et en plus, il a des enfants. C'est bon, je sais. C'est un Saiyan et il a trouvé la salle du temps. Alors, salut Frédéric. J'adore les émissions Blockbuster. Mais là, je vais revenir sur un thème en fait qui est un peu dans les antiquités de Blockbuster. En fait, ça fait un peu longtemps que tu en as parlé, mais là, le film Venom. J'admets, le film, c'est de la merde. Mais le morceau d'Eminem, c'est quand même la grande classe. Ciao, bisous. To be or not to be, not to be. Être un geek de 45 ans, c'est génial. Tu peux râler quasiment 24 heures sur 24 sur absolument tout ce qui sort. Star Wars, c'était mieux avant. Dragon Ball, c'était mieux avant. Evil Dead, c'était mieux avant. Batman, Spider-Man, Superman, Indiana Jones, James Bond, Code Quantum, Star Trek, Doctor Who, Beverly Hills, Alien, Halloween, c'était mieux avant. Alors c'est pas forcément vrai. Mais qu'est-ce que ça fait comme bien de faire le vieil acariâtre et gris? Je comprends mes grands-parents, hein. Se lever et râler, c'est une des joies simples de l'existence. Prenez Mercredi, la série Netflix de Tim Burton centrée sur la fille de la famille Adams. J'aime pas. Netflix, ils m'ont saoulé avec leur vidéo virale de Jenna Ortega en train de danser la tectonique version Wish. Avec les commentaires de pervers pépère à peine moins vieux que moi, tellement content de dire la bave aux lèvres que Jenna Ortega, elle est trop fraîche. Même l'actrice n'en pouvait plus de la manière dont la série a été vendue. Elle avait le Covid pendant le tournage. Elle a dû batailler avec le scénariste pour que le personnage de Mercredi ressemble à quelque chose qui soit digne de la famille Adams. Et je la comprends. J'ai grandi avec une série sur la famille Adams en noir et blanc. Et c'était déjà génial. Puis j'ai vu les films de Barry Sonnenfeld. Et c'était toujours génial. Même les films d'animation de la famille Adams étaient sympas car ça restait une famille. Une famille de marginaux, amatrices de macabre, qui s'assumaient et s'aimaient sincèrement dans toutes leurs différences. Quel couple de cinéma peut s'asseoir à la table de Morticia et Gomez et dire « On est plus glamour que vous ». Vous pouvez me traiter de boomer, mais moi je vous le dis, la famille Adams, c'était mieux avant. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Lorsque l'on cite les grands compositeurs de musique de film, John Williams et Ennio Morricone viennent souvent en premier. Mais il faut généralement peu de temps pour que l'on cite le nom qui nous intéresse aujourd'hui, celui de Danny Elfman. L'homme qui a mis en musique certains des plus grands films de Tim Burton. Pourtant, le talent de Monsieur Elfman précède de très loin sa collaboration avec Tim Burton et va bien au-delà du ténébreux chevelu. Iconoclaste et autodidacte, Danny Elfman est un iceberg à lui tout seul. Et pour explorer la face immergée de ce dernier, j'ai la chance d'avoir avec moi Laurent Vallière. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, attention, je vais faire le CV et il est long. Vous êtes journaliste et producteur radio. On peut écouter tous les dimanches à 13h sur France Musique votre émission 42e rue. C'est vrai. Consacrée aux comédies musicales. D'ailleurs, dimanche 7 mai, vous recevez November Ultra. Vous êtes grande fan du genre. Vous organisez chaque mois un concert en public et en direct au Carreau du Temple à Paris. Et chaque année, en direct du studio 104, la grande émission 42e rue fait son show. Ça c'est vrai. Vous êtes chroniqueur médias et séries sur France Info avec notamment votre chronique du week-end L'Empire des séries où vous nous faites découvrir les dernières séries du moment. Et vous êtes l'auteur de 42e rue, la grande histoire des comédies musicales aux éditions Marabout et France Musique et de cinéma d'animation La French Touch. Vous avez produit enfin les grands entretiens de Danny Elfman sur France Musique, 5 podcasts passionnants à podcaster sur l'appli Radio France. Bah merci, effectivement. Passionnant, je sais pas, mais en tout cas, effectivement. C'est passionnant, vrai. Je les ai écoutés, c'était formidable. J'invite les auditeurs à faire de même. Avec nous également, Benoît Basirico, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur du site Cinésique, spécialiste de la musique de film. Vous enseignez notamment à Paris 1, Paris 3 et Strasbourg. Vous animez bon nombre de rencontres, comme au dernier festival Musique et Cinéma de Marseille. Et on peut retrouver tout ça en podcast sur Cinésique. Tout à fait. Le 8 mai, on pourra entendre votre entretien avec Vladimir Kosma pour le film Le cours de la vie avec Agnès Jaoui. Et vous êtes auteur de musique de film, compositeur et réalisateur au travail chez Hémisphère. Et vous écrivez sur la musique d'Alien dans l'ouvrage collectif Alien, la xénographie, dans la collection Les Trois Souhaits. Tout est juste. Et enfin, ravi de recevoir pour cette première fois, Florent Chéron, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit l'ouvrage Tim Burton, un cinéma de la réimagination, sorti en janvier dernier chez Artois Presse Université. Vous êtes docteur en études cinématographiques et intervenante à l'ESRA. Vos recherches portent sur le cinéma de Tim Burton, la question de la réimagination, les liens transfilmiques et le cinéma de genre. Vous faites également partie de la rédaction de la revue en ligne Images Secondes et êtes programmatrice du Festival du film coréen à Paris. Voilà, et j'ai été également script sur le cours de la vie, donc c'est assez rigolo d'apprendre ça. Mais rien, tout a un lien, rien n'arrive au hasard. Et voilà, et voilà. Vous savez tout de nos invités, mais est-ce que vous savez tout de Danny Elfman ? Extrait de la bande originale de Pee-wee's Big Adventure, une des premières bandes originales de Danny Elfman. Laurent Vallière, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient Danny Elfman ? Il vient de Californie. Il a grandi avec le cinéma. C'est-à-dire que, en gros, dès l'âge de 6 ans, il a une révélation. C'est un film d'horreur qui s'appelle La Bête aux 5 doigts. Il va en tirer une fascination. Moi, j'avais été chez lui en 98. Il habitait à l'époque. C'était à l'époque de Sleepy Hollow. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film avec un... Le cavalier sans tête, voilà, Christopher Walken. Dans une forêt avec des arbres morts. Et en fait, dans son jardin qui plongeait sur l'océan Pacifique, j'avais l'impression d'être dans Sleepy Hollow. Il y avait effectivement un arbre mort au milieu de son jardin, ou en tout cas il semblait mort alors qu'on était au mois de mars. Et dans sa maison, il y avait plein d'effigies de poupées et de mains en plâtre. Et en fait, ce film-là qu'il a vu à l'âge de 6 ans, La Bête aux 5 doigts, qui est l'histoire en fait d'un pianiste qui se fait poursuivre par une main, il en a fait des cauchemars, et c'est comme ça qu'est née sa fascination pour les films d'horreur. Et en fait, depuis le départ, bon, ses parents sont professeurs, lui, il adore aller au cinéma. Donc il passe son temps à aller voir, il découvre comme ça les films d'Alfred Hitchcock, il découvre la musique de Bernard Herrmann. Et au départ, ce qu'il veut faire, c'est travailler dans le cinéma. Alors, il connaît pas la musique. Ça, on y reviendra, mais c'est un truc absolument incroyable. Il n'a pas été au conservatoire. Il n'a jamais appris la musique. Il est autodidacte, quoi. Et il me dit que vraiment, il ne conseille à personne de faire son parcours parce que en fait il passe son temps à apprendre, à découvrir, et il n'imagine pas être acteur non plus, mais par contre il s'imagine peut-être un jour être directeur de la photo ou monteur. Donc le cinéma dès le départ est quelque chose qui l'intéresse, mais il va tomber dedans vraiment par hasard. Benoît Basirico, comment s'est passée votre rencontre avec Danny Elfman? C'était adolescent, Édouard Romain d'Argent. Quand on est un adolescent, qu'on se cherche, et donc finalement c'est le lien avec Tim Burton qui lui aussi met en scène des personnages maltraités. Et donc Édouard Romain d'Argent, je me suis identifié dans le personnage, et l'alchimie entre Elfman et Tim Burton a fonctionné pour moi puisque la musique est vraiment liée au monde intérieur du personnage. Et donc c'est une féerie. Autant qu'un film d'horreur. Enfin, c'est vraiment une reprise du mythe de Frankenstein, mais à la sauce Tim Burton. Et c'est là où je rejoins ce qu'a dit Laurent, c'est que Danny Elfman, en autodidacte, est avant tout un cinéphile. Ouais. Et il a grandi donc en Californie, mais en fait, dans l'immeuble où il grandissait, il y avait un cinéma. Donc en fait, le cinéma avant tout, c'est ça qui a fait aussi le talent de musique de film de Danny Elfman. Florent Chéron, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à vraiment distinguer où commence Danny Elfman, où il se termine et où débute Tim Burton? C'est là où c'est un petit peu compliqué, parce que en fait on s'aperçoit que si on regarde le parcours enfant-adolescent de Elfman, on raconterait la même chose pour Burton. Il est né aussi en Californie. Bon, il est de 58. Ils ont quelques années d'écart, mais ils ont l'éducation par le cinéma et par une cinéphilie commune. Tim Burton aussi parle de La Bête aux cinq doigts. Il va parler comme ça de plein de films d'horreur. Et finalement, ils ont une cinéphilie qui est la même. C'est presque ils auraient pu aller dans la salle de cinéma ensemble, quoi. Il y a vraiment ce lien qui se fait immédiatement, et donc ils ont ce terreau cinéphilique commun qui fait que tout de suite quand ils vont se rencontrer, ça va marcher parce qu'ils ont les mêmes références, ils vont regarder les mêmes extraits, il va y avoir comme ça cette alchimie qui va immédiatement opérer et qui va pouvoir vraiment durer, hein. I think the movie that was most memorable that triggered so much for me. I'm guessing I was about. Je pense à un film en particulier qui a provoqué un gros déclic en moi quand j'avais 12 environ. Le jour où la Terre s'arrêta. From Bernard Herrmann. Avec la musique de Bernard Herrmann. I noticed that. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience de la musique dans un film. Jusque-là, la musique était simplement là, comme par magie. Ça faisait partie du film. Mais cette fois, j'ai remarqué la musique en tant que telle. Quelqu'un l'avait écrite exprès pour le film. Et c'était Bernard Herrmann, en l'occurrence. Les années suivantes, dès que je voyais Bernard Herrmann au générique, je savais que ça serait un coup de cœur. Je vous parlais d'un podcast à écouter sur France Musique. Eh bien, c'était un extrait d'un entretien de Danny Elfman avec Laurent Vallière, ici présent. Et quel genre d'enfance a eu Danny Elfman? Parce que je sais qu'il a son frère avec qui il a une complicité certaine. Il raconte que au départ c'était vraiment le cinéma, qu'il détestait. Il était dès le départ un peu rebelle. Hein. Donc par exemple, il me racontait que par moment le fameux cinéma où il allait, parfois il rentrait par la sortie, comme François Truffaut dans les 400 coups. D'ailleurs, il a découvert notamment dans ce cinéma les 400 coups et toute la nouvelle vague et tout le cinéma européen. Il avait vraiment une vraie culture. Mais il me racontait que parfois ces cinémas mettaient des comédies musicales genre Mary Poppins. Alors ça, par contre, il boycottait. Et il détestait. D'ailleurs, quand il fera l'étrange Noël de Monsieur Jack, il dira je veux tout faire sauf un Walt Disney, oui. Si c'est produit par Walt Disney. Et donc il allait voir tous ces films d'horreur ou alors tous les films pour adultes. Et il me racontait que c'était une bande d'enfants qui étaient là dans le cinéma. Il n'y avait pas d'adultes et ils allaient voir les films les plus. Par exemple, je crois que sa mère lui avait interdit d'aller voir Psycho parce que quand même à 12 ans c'était un peu chaud. Et le premier film de Hitchcock qu'il avait vu, c'était Les Oiseaux. Et il était un peu déçu parce qu'il n'y avait pas de musique de film dans Les Oiseaux. Il était vraiment fan de cinéma, enfance rebelle. D'accord. Et quels sont les compositeurs de musique qui l'ont principalement influencé? quand il a commencé à se lancer? Bah Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock, on en a parlé, mais on l'entendait dans la musique de Pee-wee, par exemple. Il y a une influence Nino Rota avec le cinéma de Fellini, et le cinéma de Fellini est aussi présent dans l'œuvre de Tim Burton. Donc c'est vraiment un mélange entre le cinéma d'horreur de Bernard Herrmann via Hitchcock et le cinéma féerique, magique, et presque même le monde du spectacle qui est à travers Nino Rota. Et les sonorités circassiennes. Voilà, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Dumbo, qui est un des derniers films de Tim Burton. Donc il a continué comme ça jusqu'à récemment, parce qu'on dit que le cinéma de Tim Burton est terminé, mais en fait, avec Dumbo, je trouve qu'on retrouve aussi cette verve des débuts. Mais il aimait bien aussi, par exemple, les films de Harryhausen. Oui. Par exemple, celui qui a, le réalisateur qui avait fait King Kong, qui avait fait Jason et les Argonautes. Le choc des titans. Il adorait déjà cette animation en stop motion et la musique qui allait avec. Encore composé par les mêmes, que ce soit Mike Steiner ou que ce soit... Ouais. Et le côté bricolage. Et on le retrouve dans sa manière aussi d'écrire la musique. C'est-à-dire que vu qu'il est autodidacte, il bricole aussi, il fait de l'assemblage. Et il assemble les références et les instrumentations aussi. Parce qu'on parlait de sa référence Le jour où la Terre s'arrêta de Bernard Herrmann. L'instrument, le thérémine, qui a été associé aux extraterrestres, il a pu le reprendre dans Mars Attaque. Florent Chéron, si jamais on vous demandait comme ça de définir le style de Danny Elfman. Je passerai par les influences, justement, Nino Rota, je passerai par Herrmann, puisque c'est vraiment, et on le voit vraiment aussi dans les premiers films de Burton, où on a vraiment très très fortement ces influences-là. Il le dit lui-même, que c'est quasiment un espèce de néoclassique, un petit peu à copier-coller, plagier, mais il y a vraiment une influence qui est absolument très très visible et qui va un petit peu plus peut-être s'affiner et s'affirmer au fur et à mesure des films, quand il va se mettre à utiliser des chœurs à partir de Beetlejuice ou même plus fortement dans Édouard aux mains d'argent ou même dans Sleepy Hollow. Mais c'est vraiment ces deux là qui par lesquels, en tout cas, il commence. Après, il y en aurait d'autres, des classiques, mais je vais laisser les spécialistes classiques. Mais la musique, en fait, il n'y vient pas tout de suite. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, il ne sait pas jouer d'instrument. Il n'a pas été au conservatoire. Et en fait, il raconte que c'est parce qu'il a changé d'école. Il était dans une école avec ses copains, il allait au cinéma. Et là, il est dans une école où il est le seul à pas... un lycée, en fait, il a 16 ans. Où il est le seul à pas jouer d'instrument de musique. Et là, donc, il a des nouveaux amis et il va se dire, mais moi aussi, je vais jouer de la musique. Et c'est à partir de là qu'il va encore vriller, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on parle avec Danny Elfman, c'est que c'est impulsion sur impulsion, quoi. Et là, tout d'un coup, il va découvrir la musique. Il va découvrir, alors, ses amis sont plutôt musique classique, musique russe, avec des dissonances, avec justement ses Célestas, le Sacre du Printemps, des choses un peu rugueux, on va dire, en termes de musique classique, beaucoup de cuivre qu'on retrouvera dans ses œuvres. Et donc, c'est Shostakovich, c'est Prokofiev, et tout d'un coup, il va se dire, moi aussi, et là, je disais qu'il est impulsif, il est surtout monomaniaque, on va dire, et donc il va rentrer dans ce genre de musique, il va découvrir aussi la musique jazz. Il me racontait qu'en fait, à cette époque-là, il croit qu'il vit en 1933. 1933, c'est précis quand même. 1933, c'est Duke Ellington, c'est Cab Calloway, c'est Harlem Renaissance à New York, c'est toute cette période des Roaring Twenties, je sais pas comment dire en français, les années folles du jazz. Et tout d'un coup, il va apprendre, par exemple, donc comme il est autodidacte. Moi, ça me paraît complètement fou, parce que je ne sais même pas comment on peut le faire. Mais en gros, donc, il connaît pas le solfège. Il racontera, on y reviendra, mais quand il a une musique qui lui vient en tête, il faut juste qu'il enregistre dans son enregistreur, parce que sinon, il va la perdre. Et donc, il apprend à écouter les tubes de Duke Ellington et à les retranscrire, parce que le jazz, c'est évidemment très, très improvisé, partie d'instrument par partie d'instrument, sur une partition, pour essayer de comprendre comment la pulsation, le rythme, les notes viennent. Comment tout s'enchaîne et comment tout a été écrit. Voilà. Il est autodidacte, mais vraiment la musique vient à partir de 16 ans. Et en travaillant sur l'émission, j'ai découvert qu'il avait eu ce voyage à Paris. Et lors de son voyage à Paris, il y a une rencontre avec Jérôme Savary. Ben oui, en fait, la première musique que Danny Elfman compose, c'est précisément à Nice. Jérôme Savary l'entourant jouer du violon, alors que en fait il est venu en France pour suivre son frère qui fait partie de la troupe de Jérôme Savary et pour apprendre le violon. Voilà, je vous disais, il est monomaniaque. Après Gauthier, là, il y a 2 ans, Gauthier Capuçon lui a dit « Fais-moi un concerto pour violoncelle ». Il savait pas ce que c'était un concerto pour violoncelle. Il a écouté tous les concertos pour violoncelle qui existaient. Bref, il est monomaniaque. Et donc, Jérôme Savary l'entend répéter son violon et il lui dit « Mais tu veux pas me composer un petit morceau pour le spectacle du Grand Magic Circus ce soir à Nice ?» Et il va en composer un. Et ça va être la première fois qu'il va composer un morceau. Alors, pour les auditeurs, précisons, qui est Jérôme Savary ? Jérôme Savary, grand metteur en scène, grand comédien, on va dire c'est un peu le prédécesseur de Jérôme Deschamps, même si c'est pas le même genre de troupe qu'il a fait, parce que Jérôme Savary était beaucoup plus c'est des grands spectacles outrancieux, qui marient théâtre, musique... Voilà, un peu de nudité, un peu de provocation, beaucoup de provocation, des spectacles de troupes qui effectivement enchaînent des numéros qui sont parfois des numéros de revue. Et donc il avait Jérôme Savary avait sa troupe, le Grand Magic Circus, qui s'installait à Paris pendant de grandes semaines, mais aussi tournait en France. Et c'est là avec son frère qu'il crée les Mystic Knights of Wango Bongo. Alors groupe que je connaissais, mais sans le connaître, parce qu'après c'est devenu les Wango Bongo. Et quel type de groupe c'était ? Parce que on imagine bien qu'avec une personnalité comme celle de Danny Elfman, qui découvre la France, qui travaille dans la troupe de Jérôme Savary. Donc on est vraiment avec des enfants de la balle, des saltimbanques, des gens très libertaires. Donc quel type de musique ça a pu créer, Benoît ? Bah, ça appartient déjà historiquement dans les années 80 à une période synthétique de la synth-pop ou même de la new wave, hein, The Cure, Depeche Mode, mais avec un côté un peu plus théâtral. Alors attention, parce qu'en fait, on confond tous, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Parce qu'il y a deux groupes. C'est très compliqué, la vie de Daniel Elfman. Et d'ailleurs, moi, je comprenais pas au départ. Il y a deux groupes. Il y a le groupe qui s'appelle The Mystic Knights of Oingo Boingo, que va créer son frère, et dont il demande et il y a Oingo Boingo dans les années 80, où tout d'un coup, Daniel Elfman fait un changement à 90 degrés. Il dit, j'en ai marre de la musique à la courte vague, j'en ai marre des violons, j'ai découvert le ska, c'est super cool. Et monomaniaque, je vais faire du ska. Et donc, il crée un groupe qui est, voilà, rock, punk, avec basse, batterie, guitare, basta. Mais The Mystic Knight of Oingo Boingo, lorsque Danny Elfman rejoint son frère à Nice, son frère va rentrer à Los Angeles et en gros va complètement s'inspirer du Grand Magic Circus pour créer un Grand Magic Circus à Los Angeles. Ça sera The Mystic Knight of Oingo Boingo. C'est-à-dire c'est du spectacle de rue. D'ailleurs, Danny Elfman va dire, moi, pendant mes 4 premières années de représentation, j'étais cracheur de feu. J'avais appris aussi à jouer du trombone. Enfin, voilà, il continue à apprendre. Et ça, il le fait après avoir, pendant un an, se balader en Afrique, d'où il reviendra avec une autre monomaniaquerie d'Annie Elfmanienne, qui est les percussions. Quand vous allez chez lui, vous avez des centaines de percussions. Il adore les percus, et ça, c'est ce qu'il va découvrir en Afrique. Et donc, quand Danny Elfman revient après son tour d'Afrique à Los Angeles, son frère lui propose de rejoindre The Mystic Knight. Ça va être donc une musique, on va dire, très circassienne, très revue, très jazzy d'ailleurs, dont il en aura marre au bout d'un moment, mais qui va utiliser notamment dans le film Forbidden Zone, qui va être réalisé par son frère, et qui est à un moment où justement où il y a la jointure, où il découvre la musique électronique. Donc dans ce film Forbidden Zone, Zone Interdite, on va entendre à la fois des synthés et à la fois de la musique plus circassienne, on dira. Et même du jazz d'ailleurs, il y aura même une sorte de copie, enfin de pastiche de Cab Calloway. Et donc voilà, il y a vraiment deux périodes, et ce que va découvrir, en fait, le truc vraiment rigolo, c'est que comment Danny Elfman arrive au cinéma, c'est qu'il y en a un qui adore The Mystic Knight of Oingo Boingo et le film Forbidden Zone, c'est l'acteur qui joue Pee-wee, Paul Rubens. Et il y en a un autre qui adore Oingo Boingo, la musique ska, c'est Tim Burton, il va le voir tout le temps en concert. Et les deux, lorsqu'ils commencent à réaliser ensemble, à travailler ensemble Pee-wee, ils disent, il y en a un qui dit, ah, j'aimerais bien la musique de Mystic Knight, et l'autre qui dit, et c'est là qu'il propose à Danny Elfman. Et qu'ils appellent Danny Elfman. Qui est le lien entre les deux. Et Danny Elfman va dire, non mais n'importe quoi, j'ai jamais réalisé, je vais pas vous composer une musique de film. Vous voulez que je vous compose une chanson, c'est ça ? Non, non, pas du tout. C'est le premier film de Tim Burton. Hein. C'est la Warner. Elfman dit, non mais n'importe quoi, la Warner va jamais prendre quelqu'un comme moi pour faire une musique de film. Et ça marche. Florence Chiron, vous avez découvert a posteriori Wango Mogo ? Bah alors, oui. a posteriori, mais finalement, en fait, alors, découverte de Elfman, c'était plutôt avec Batman, et puis bah, c'est avec Code Lisa, en fait, mais oui, bah voilà, avec le générique de Code Lisa qui est resté assez mythique. Et qui oui, était, parce que c'était la bande originale du film Weird Science de John Hughes, un des premiers rôles de Robert Downey Jr. jeune, de nerds qui créaient une femme parfaite selon leurs critères, qui était interprétée par Kelly LeBrock, et qui ensuite a donné une série, Code Lisa, que vous devez forcément connaître. Et donc, forcément, vous avez déjà entendu Danny Elfman bien avant Tim Burton avec le générique de Code Lisa. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Science de Wango Bongo, donc générique de la série Code Lisa, mais aussi du film Weird Science de John Hughes. J'en profite, si jamais vous avez des souvenirs de Code Lisa et que vous voulez nous les partager, n'hésitez pas à laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Comment travaillez-vous avec un réalisateur qui ne connaît pas vraiment bien la musique? Quelqu'un comme moi, par exemple. C'est pas... Je veux dire, il me montre le film et je commence à composer. Et généralement, que le réalisateur connaisse ou non la musique, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais j'imagine que c'est plus facile si le réalisateur connaît un peu. En fait, c'est plus facile s'il ne connaisse rien. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Non, parce que s'ils sont un peu musiciens, ils peuvent partir sur des mélodies comme ceci, comme cela. Ils te parlent du type de bois, des instruments. Et moi, je suis là, j'ai envie de leur dire « Mais de quoi tu me parles ?» Et je trouve que c'est bien plus simple quand un réalisateur me dit juste « Je veux quelque chose qui fait peur là, qui me rend triste ici, qui me fasse rire là. » Et qui reste sur des termes très généraux, qui me laisse faire mon travail. C'est bien plus facile. L'extrait d'une interview NBC avec Greg Kinnear et Danny Elfman. Donc on a entendu auparavant la musique culte du film Beetlejuice de Tim Burton. Benoît Basirico, on l'a dit précédemment, Danny Elfman n'avait pas pour vocation de faire des musiques de film. Il pensait que c'était une sorte d'heureux accident qui allait se produire une fois. Donc qu'est-ce qui l'a convaincu à composer la musique de ce film avec Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Davis? Bah, par Tim Burton de toute façon, et c'est aussi une cinéphilie commune qu'il partage avec Tim Burton, et puis aussi même plus tard avec Gus Van Sant, avec lequel il fera Psycho, en reprenant la partition de Bernard Herrmann. Et même quand il travaillera avec Brian De Palma, Mission Impossible, Brian De Palma, voilà, un cinéaste cinéphile, ça part toujours d'une cinéphilie, et la discussion, on vient d'entendre, elle ne se repose pas sur la musique, comme on vient de l'entendre, elle repose vraiment sur le film, qui est le matériau commun, et il trouve un langage commun sur cette cinéphilie commune et les références sont des références en termes de direction artistique, ce sont des films. Et donc Sleepy Hollow, c'est le cinéma britannique de la Hammer, avec la musique de James Bernard. Et le parcours de Danny Elfman est assez incroyable, hein, parce qu'on vient de le dire, voilà, autodidacte, on vient d'entendre Weird Science, et donc je raccroche, je parlais d'Oingo Boingo tout à l'heure, et là on retrouve cet esprit synth-pop sur Weird Science. Avant même de composer pour Tim Burton, il a fait un album à son propre nom, avec un titre Gratitude, qui se retrouve synchronisé dans Le Flic de Beverly Hills. Donc en fait, le parcours est incroyable, c'est pas linéaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a de la musique synchronisée avant même qu'il fasse de la musique originale. Et pour Beetlejuice, ce qui est fort, c'est qu'un compositeur de musique de film, en général, on cherche qu'il se mette au service du film, et donc il y parvient parfaitement, il répond aux enjeux du récit, aux des personnages, et à la fois, il ne s'oublie pas. On reconnaît Danny Elfman. Ça, c'est assez incroyable. Florence Chéron, Beetlejuice, pour Tim Burton comme pour Danny Elfman, on a l'impression que c'est aussi des œuvres qui cristallisent absolument la totalité de ce qu'ils sont, mais presque sans intervention extérieure. Autant dans d'autres films, on sent des desiderata commerciaux. Là, pour Beetlejuice, on a vraiment l'impression d'avoir deux artistes qui fusionne et qui crée un film dans l'œuvre de Tim Burton qui est très, très, très singulier. Oui, bah déjà, Beetlejuice, c'est une œuvre un petit peu particulière dans l'œuvre de Burton parce que c'est un scénario original et que Burton fait énormément d'adaptations. Donc, on est déjà sur une forme de liberté. Burton choisit ce film parce que, il le dit lui-même, on lui proposait que des comédies très calibrées, américaines, etc. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et je crois qu'on est un petit peu aussi dans vraiment le système aussi de Elfman. S'il n'a pas envie de faire un film parce que le thème ne lui plaît pas, il ne le fait pas. Donc il se retrouve sur ça avec ce scénario, comme dit Burton, c'est un scénario sans queue ni tête, ça n'a absolument aucune logique. Et en fait, Danny Elfman va réussir vraiment à intégrer ce système-là de non-logique, de dire, bon, bah, en fait, c'est un petit peu n'importe quoi, on raconte une histoire un petit peu... qui n'a pas de sens. Donc allons-y, et dans ce premier thème, on retrouve vraiment tous les éléments qu'on va retrouver dans la suite du film. On a à la fois ce côté très très rythmé comme ça qui fait très très enjoué de la comédie, et en même temps il y a comme ça une espèce de profondeur qui ramène vers le film d'horreur, vers cette histoire de bio-exorcisme comme ça, avec un personnage de méchant libidineux. On a vraiment comme ça cette espèce oui, par de incroyable Michael Michael Keaton. Absolument, et qu'on va retrouver dans Batman. Et pour le coup, on est vraiment à l'opposé de Batman, hein, en termes d'équilibre et de liberté d'expression. La transition est toute faite. C'est-à-dire qu'on passe quand même d'un acteur, Michael Keaton, qui incarne Beetlejuice, un fantôme bio-exorciste, libidineux, dégueulasse, hein, on va le dire, hein. Avec la bande son de Danny Elfman, avec aussi des morceaux de Calypso, il y a notamment Harry Belafonte qui vient de nous quitter, que l'on entend dans la bande originale de Beetlejuice. Comment on se retrouve ensuite en 89 avec cette machine de guerre produite par la Warner qui est le Batman avec le Joker interprété par Jack Nicholson, et surtout comment les producteurs acceptent l'arrivée d'un compositeur qui a derrière lui juste trois films pour porter une aussi grosse machine, Laurent Vallière. Est-ce que ça s'est passé facilement avec les producteurs de la Warner? Mais je pense que de toute façon Tim Burton, il peut imposer ses visions lorsqu'il veut travailler avec un compositeur. Je pourrais pas vous dire s'il a dû se battre. Au début, pour Batman, les producteurs ne voulaient pas. Ils voulaient faire de l'anti-John Williams. Ils voulaient quelque chose de rock, de pop, et ils voulaient Michael Jackson, qui a décliné. Et ça a été ensuite vers Prince. Et Danny Elfman s'est dit, moi je ne vais pas faire une musique avec Prince présent tout le temps. Il s'est retiré du projet. C'est d'ailleurs la fameuse époque de la Bat Dance. Voilà. Et au final, il a quand même raccroché les wagons. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que les producteurs voulaient Prince. Et aujourd'hui, ce que les spectateurs retiennent, c'est le thème original de Danny Elfman pour Batman. Donc c'est assez joli. Il faut dire que... Il y a aussi un élément qui va arriver assez tôt dans la carrière de Danny Elfman, c'est son intérêt pour d'autres formes de médias et de médiums, notamment la télévision, parce qu'il a réadapté son thème pour la série animée Batman, dont on a déjà parlé dans Blockbuster, mais également Beetlejuice. Qui va devenir un dessin animé, et il y aura une réorchestration de son thème. C'est-à-dire que comparé à d'autres compositeurs de musique, il a jamais fait la fine bouche vis-à-vis de la télévision. Non, il y a rien d'impur pour lui. Il peut vraiment faire tous les types de films, tous les médias, les séries, et puis tous les genres. Et bah, d'ailleurs, adorer le cinéma d'horreur, c'est aussi aimer une sorte de marge. On peut dire que Danny Elfman, s'il y avait une biographie de Danny Elfman, on le sous-titrerait le rebelle d'Hollywood. D'ailleurs, c'est presque incroyable qu'il ait pu faire des blockbusters à Hollywood alors qu'il y a un formatage de fait. Et il sortait toujours du rang. Enfin, ça dépassait toujours avec Danny Elfman. En fait, il adore se mettre des challenges. Mmh. C'est-à-dire que quand on lui dit « fais ça » et qu'il ne l'a jamais fait, ça l'amuse, en fait. Vraiment, ça l'amuse. C'est pour ça qu'on va lui proposer les Simpsons ou qu'on va lui proposer Desperate Housewives. Il va dire « ok ». Batman, ce qui est vraiment drôle, c'est que, comme disait Benoît, lui aussi ne voulait pas une musique à la John Williams. Mmh. Il voulait quelque chose de sombre. Et il raconte que, la façon dont il a composé ce thème hyper célèbre aujourd'hui, c'est qu'il était parti à Londres, dans les studios où était tourné Batman. Donc il y avait vraiment tout ce décor très sombre, très métropolis presque, très angulaire des façades de Gotham City. Et la musique, il raconte, lui vient quand il rentre, quand il est dans l'avion. Ah oui, donc c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Et donc il ne sait pas écrire la musique. C'est-à-dire que normalement, un compositeur, il se met pas au piano. Il a les notes, il a la mélodie dans sa tête, il prend une partition, il pose les notes. Lui, il sait pas faire ça. Donc ce qu'il fait, c'est que il a la musique dans la tête. Il a peur absolument d'un truc, c'est qu'à l'époque, quand l'avion atterrissait, vous savez, à l'époque, on mettait de la musique classique dans tous les avions. Et il a peur que ça efface complètement son souvenir. Donc, il va pas arrêter de faire des... Il a toujours son petit enregistreur avec lui. Et il va pas arrêter. Alors, donc, vraiment, partie d'instrument par partie d'instrument, enregistré. Donc il va passer son temps à faire des allers-retours de toilettes. Et les gens vont croire, d'ailleurs, les stewards vont croire qu'il est en train de se sniffer des choses, des trucs comme ça. Parce que à chaque fois, et donc il va enregistrer chaque partie. Et quand il rentrera, alors il y aura toujours le bruit, il raconte ça, il raconte que il y a le bruit de l'avion, mais il aura au moins toute la mélodie, toutes les contrepoints de chaque instrument. C'est aussi une période où il a été assez fraîchement accueilli par le milieu des compositeurs de bandes originales, parce qu'il est arrivé très vite sur des grosses machines de guerre, et on l'a même accusé de plagiat à certains moments. Et c'est, il y a eu un côté l'outsider dans un club pré-select qui habituellement sont des gens bien qui justement savent composer avec une partition, écrire, tout faire dans les règles de l'art. Et Florence Chéron, il y a un aspect un petit peu un chien dans un jeu de quilles avec Danny Elfman. Oui, c'est vrai qu'il arrive, troisième long métrage de Burton, c'est Batman, donc on arrive sur le plus gros budget de l'histoire du cinéma à l'époque, ou presque, avec un réalisateur qui veut faire un film de Batman pour les gens qui n'aiment pas Batman et qui a très très envie d'aller vraiment à l'encontre du Superman qui avait été fait précédemment dans la musique, dans la mise en scène, et donc d'arriver avec quelque chose de très sombre, de très non conventionnel. Hein. On disait qu'on va vraiment en effet à l'encontre de ce que propose le système hollywoodien à l'époque. Donc forcément, ça fait un petit peu grincer des dents, d'autant que on est sur quelqu'un qui est complètement autodidacte. Donc en effet, ça, il y a un côté comme ça, les mauvaises langues diront, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment faisable? Bon, après, voilà, je crois qu'il a peut-être fait suffisamment carrière pour, après, et même pendant, pour démontrer que c'est lui. Vous avez reconnu le thème mythique de Batman, et je disais hors antenne que c'était selon moi le plus grand thème de film de super-héros jamais fait. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais non, quand même, le Superman de John Williams, ah oui, mais il a tellement de similitudes avec le thème de Star Wars que là, vraiment, c'est Batman, quoi. On n'a pas fait mieux. » On n'a pas fait mieux. Tour de table, Florence Chéron, vous en pensez quoi ? Oui, on retrouve vraiment en fait dans cet élément-là tout ce qu'on va avoir dans le film. On a ce côté un petit peu martial, très rigide de Batman qui veut faire régner l'ordre. Et puis derrière, il y a cet élément beaucoup plus clownesque. On retrouve un petit peu le côté cabaret burlesque des groupes de Elfman, où on a cet entrain en fanfare comme ça, très clownesque du Joker qui vient mettre le bazar dans la ville. On a vraiment tous ces éléments-là qui sont déjà réunis et qui fonctionnent sur finalement l'ensemble des aventures de Batman. Donc, à mon sens, il a vraiment réussi à faire quelque chose d'un petit peu universel et intemporel qui fonctionne vraiment pour ce super-héros-là, au moins. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'ils vont passer la vitesse supérieure avec la bande originale de Batman Returns, Batman ouais. Le Défi. Ah oui. Où là, on va vraiment aller carrément vers quelque chose de poético, gothique, avec la marche du pingouin, le thème de Catwoman, où là, tout d'un coup, il y a une appropriation, une fois de plus, par Burton à l'image et par Elfman en son, d'un super-héros qui, sur le papier, était très différent. Là où Danny Elfman fait la synthèse entre le Golden Age, l'âge d'or hollywoodien, vous parliez d'ailleurs, Laurent, tout à l'heure de 1933 au niveau musical, 1933 c'est King Kong, la naissance du symphonisme hollywoodien. Donc chez Danny Elfman, il y a toujours le souci de la mélodie, le souci du thème et le souci du thème d'ouverture, vous en parliez, c'est-à-dire que tous les films débutent avec vraiment une synthèse des thèmes, et dans Batman Return, il y a un foisonnement de thèmes, le thème du pingouin, etc. Et donc ça, c'est assez fort, le souci du thème, mais sans faire du John Williams, c'est-à-dire que c'est vraiment également arrangé d'une manière moderne. Donc il fait vraiment le lien entre hier et aujourd'hui. Et alors on fait un petit saut dans le temps pour la prochaine pause musicale. On va entendre la voix de Danny Elfman, parce que Danny Elfman ne se contente pas de composer, il chante également, et il a chanté dans les films, notamment dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, où il interprète Jack Skellington avec What's This? What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around to hear his story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this? Christmas Town? L'étrange Noël de Monsieur Jack, on a entendu Jack Skellington interprété par Danny Elfman, un film de Henry Selick, car contrairement à ce qu'on entend souvent, ça n'est pas Tim Burton qui a réalisé ce film. Et j'imagine ce pauvre Monsieur Selick qui doit à chaque fois dire « Non, mais c'est moi qui l'ai fait. » Lui, il a juste fait le scénario. Il y a ce problème aussi. Ah bah, complètement. En fait, ils sont trois auteurs en fait, derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a Burton qui a fait les dessins préparatoires, qui a commencé à écrire cette histoire à partir de Night Before Christmas, donc quand il était en fait animateur chez Disney, à part après il part faire Batman, etc. Et puis en fait, bah, quand il veut faire L'étrange Noël de Monsieur Jack, bah, il s'aperçoit que bah, c'est toujours Disney qui a les droits, donc ils reviennent chez Disney. Mais Burton est en train de réaliser Batman le défi, donc c'est très compliqué. Un film en stop motion comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça prend bah, 3 ans rien que pour l'animation. Donc c'est Henry Selick qui connaît depuis longue date qui va réaliser le film, et Danny Elfman qui va là aussi, c'est une espèce d'écriture un petit peu opératique, puisque à la fois Burton lance des idées de scénario, il y a Elfman qui écrit la musique et les paroles en même temps, donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire ensemble. Et puis, bah, c'est quand même Burton qui est un petit peu la vedette à ce moment-là. C'est lui qui a connu plein de succès. Donc, il est plus sur le devant de la scène que Selick. Et donc, bah, du coup, c'est Burton qui va faire la promo. Et donc, en effet, on attache plus l'étrange Monsieur Jack finalement à Burton que à Selick. Alors que le réalisateur, quand même, ça reste Selick. Et comme ils ont des univers visuels aussi très proches, bah, la confusion se fait tout naturellement auprès du grand public. Benoît Bazirico, pour l'écriture musicale de L'étrange Noël de Monsieur Jack, quel est le regard que vous portez sur cette comédie musicale d'un nouveau genre ? Je retrouve ce que j'aime chez Daniel Elfman, c'est-à-dire le mélange, l'hybride, d'associer des genres complètement différents, un tango par-ci, une valse par-là, quelque chose de très rock en même temps, et à la fois quelque chose d'homogène, c'est-à-dire qu'il est très très talentueux pour créer de l'unité, ça part pas dans tous les sens non plus, c'est canalisé, mais en même temps il y a vraiment cette idée de l'hybride en fait, le côté caméléon hein, d'un compositeur de musique de film qu'on peut retrouver chez lui. Alors, on a déjà un beau CV, là, en quelques films qu'on vous a fait entendre. Mais même si ces droits d'auteur sont très intéressants, ils ne seront jamais aussi intéressants que ceux d'une série qu'il a composée et qu'on écoute. Vous avez évidemment reconnu, si vous avez RTL 9, vous avez forcément reconnu le générique des Simpsons. Voilà, les Simpsons distribués partout sur la planète, diffusés, rediffusés, la diffusion continue aussi aux États-Unis. Donc là, quand on est celui qui a composé le générique de cette série, mais quelque part, on peut tout ce qui vient après, c'est du bonus. C'est intéressant, d'ailleurs on retrouve quelque chose de Pee-wee dans la partition des Simpsons, donc l'hommage à Nino Rota est là. Et alors c'est une période où effectivement Danny Elfman s'est tourné vers la télévision, mais il y a aussi le générique de Flash, la série, parce que bien avant les déboires de Warner avec Ezra Miller, il y a eu un Flash en série avec John Wesley Snipes et Mark Hamill, qui jouait aussi le Trickster, c'est d'ailleurs le rôle qui lui a valu ensuite d'incarner le Joker dans la série animée Batman, dont le générique était lui aussi fait par Danny Elfman. Tout se recoupe. Hein. Et y a aussi Desperate Housewives. Donc là, on sent que non seulement on parle de la cinéphilie de Danny Elfman depuis le début, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un amour de ce qui se passe sur petit écran. Oui, alors petite précision peut-être, en 86 en fait il n'a pas été inactif entre Pee-wee et Beetlejuice, il a composé aussi une musique pour un téléfilm de Burton, The Jar, qui faisait partie de la collection Alfred Hitchcock présente, donc c'était déjà là en fait dès les années 80 à la télévision, et ça s'est peut-être amplifié avec la multiplication des chaînes et aussi la diversification des programmes. Et pour la musique de Simpson en fait c'était une. En fait, il n'a pas tout de suite accepté quand Matt Groening, le créateur, lui en a parlé. Parce qu'en fait, c'était l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'époque où il y avait des Scooby-Doo, des dessins animés Hanna-Barbera. Et les génériques, c'était de la pop que Danny Elfman considérait comme nul, quoi. Vraiment des trucs un peu bâtards. Et il lui a dit non, mais moi, je vois bien pour ta série quelque chose qui revienne un peu aux fondamentaux des cartoons des années 30. Et quand Groening lui a dit oui, tout à fait. Alors, il y a une vertu à Los Angeles, c'est que vous prenez votre voiture tout le temps. Et Danny Elfman dit que c'est la musique qui lui a pris qu'il a eu le plus rapidement en tête. C'est-à-dire que je vous racontais l'histoire de l'avion là. Et là, c'est en voiture. Là, c'est en voiture. Ah, hein. Vraiment. Donc, ouais. Mais concrètement, hein, il sort du bureau de Matt Groening, il rentre chez lui dans la voiture, il a son idée. Et alors, le télétravail et Danny Elfman, ça serait vraiment pas une réussite. C'était un truc compliqué, ouais, oui. Je pense. Ouais. Son bilan carbone. et donc, il la compose instantanément. Et ce qui est intéressant avec Danny Elfman, c'est que c'est un précurseur. Il a le premier Macintosh et il connaît pas la musique, donc s'il compose au piano. Mais surtout, il est un des précurseurs du multipiste, vous voyez. Donc, quand il fait des maquettes, par exemple, pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, il est un des premiers compositeurs de musique de film à pouvoir proposer à son réalisateur et à Henri Selick des maquettes toutes faites de chansons. Et donc, l'histoire de L'étrange Noël de Monsieur Jack est assez fascinante parce qu'on parlait tout à l'heure de fusion entre Tim Burton et Danny Elfman. Clairement, Tim Burton avait, je ne sais pas s'il avait vraiment toute la fin de l'histoire, parce que Tim Burton a lancé le projet basé sur ce qu'il avait écrit chez Disney, mais en fait, tous les jours, il avait rendez-vous avec Danny Elfman. Il allait chez Danny Elfman. Il lui racontait un petit bout. Alors là, voilà, Jack Skellington découvre la vie, la ville avec d'Halloween. Alors Danny Elfman lui disait, bon, c'est bon, rentre chez toi. Là, il se mettait à composer. Et le lendemain, donc il composait, what is, hop, c'est parti. Il le composait, il enregistrait multipiste, il enregistrait sa voix. La maquette, au départ c'était une maquette, au départ c'était pas lui qui devait chanter dans le film final. Et puis Tim Burton revenait le lendemain en disant « Alors maintenant, etc. etc. » Et ça a été créé comme ça. Et donc tout ça grâce au fait qu'il avait ses ordinateurs qui lui permettaient de faire des... Alors à l'époque je crois qu'il n'y avait que 8 pistes, maintenant on est à 32, 64, etc. Et donc il est aussi un geek, on va dire, c'est aussi un bidouilleur. Et c'est comme ça aussi, donc il a composé il a pu faire une maquette du générique des Simpsons. Et c'est vrai que souvent on associe Danny Elfman à Tim Burton, je l'ai fait, d'autres l'ont fait avant moi, mais il a également mis en musique Darkman de Sam Raimi, il a travaillé avec Brian De Palma, il y a eu le film Dick Tracy, et beaucoup de ses bandes originales ont d'ailleurs été souvent nommées aux Oscars, alors il n'a pas encore eu d'Oscar à ma connaissance. Et comment on explique que le grand public attache certains compositeurs, c'est un peu la même chose avec John Williams et Steven Spielberg, alors qu'en fait, leur travail, et en plus c'est un travail qui a eu du succès, dépasse largement une collaboration artistique. Ouais. Parfois, il y a certains tandems cultes, comme par exemple Hitchcock et Herman. Les deux, Herman et Hitchcock, ont fait beaucoup plus de films sans être ensemble. Voilà. En revanche, bon, la collaboration avec Tim Burton n'est pas usurpée. Ils ont fait 16 films ensemble. Ensuite, il faut retomber à 5 films avec Sam Raimi et Gus Van Sant. Hein, il y avait 5 films chacun. Et puis ensuite, plein de réalisateurs avec 1-2 films. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'autres collaborations qui peuvent rivaliser en termes arithmétiques avec celle de Tim Burton. Mais en revanche, il a reçu aucun Oscar, Danny Elfman. Mais en revanche, il a pu se faire un peu apprécier par Hollywood avec Will Hunting de Gus Van Sant, première nomination aux Oscars. Jamais avant avec Tim Burton. Donc, il a un peu acquéri cette lettre de noblesse grâce à cette deuxième collaboration avec avec Gus Van Sant. Je cherche à comprendre. Est-ce que on n'est pas face là à une fois de plus le côté peut-être un petit peu élitiste de l'Académie des Oscars vis-à-vis de ce qui est fondamentalement perçu comme un cinéma de genre et donc qui a une sorte de plafond de verre. C'est pas un film respectable. Will Hunting, il y avait tout ce qu'il fallait en termes de rôle oscarisable, donc la partition qui va avec. Alors que franchement, L'étrange Noël de Monsieur Jack, en tant que tel, on pourrait se dire aurait mérité l'Oscar de la meilleure musique. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette différence de perception, Florent Chéron ? Il y a peut-être le côté conventionnel aussi de ce qu'il fait. Pour ses films, on pourrait dire peut-être hollywoodien de Gus Van Sant, puisqu'il les a pas tous fait, en effet, qui correspond à un public qui est peut-être plus porté sur celui qui a les récompenses, alors que c'est vrai que celui de Burton ou même celui de Sam Raimi se dirige vers des publics, on va dire, une forme de niche de public qui n'est pas celle qui est élue par les Oscars. Je crois que ça s'adresse pas tout à fait au même public, même si ça reste large, et donc, en effet, on est dans des espèces de carcans comme ça qui sont différents et on retient moins aussi cette musique-là pour ces films de Gus Van Sant et de Sam Raimi parce qu'elle est beaucoup plus minimaliste et donc d'ailleurs on reconnaît la mélodie parce qu'il a un sens mélodique, mais on reconnaît pas forcément la patte Elfman. Il n'y a pas les grands cuivres, il n'y a pas les grosses percus, il n'y a pas le côté forcément russe. C'est plutôt la musique minimaliste. Mais lui, au contraire, il adore faire ça. Il adore, encore une fois, il adore mélanger, changer de style. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on le reconnaît surtout grâce à cette patte très péchu, un peu avec des rythmes un petit peu incertains. En fait, il raconte par exemple que la musique classique, il déteste tous les trucs un peu classiques comme Mozart, Beethoven. Il dit c'est de la musique que je peux prédire. Donc, et quand il compose pour Tim Burton, c'est vrai que il y a toujours des on tourne, on sait jamais où on va. Et peut-être que pour la musique minimaliste qu'il crée pour les autres réalisateurs, on reconnaît moins sa patte en fait. Mais la mélodie est là. Hein. Alors c'est vrai qu'on reconnaît moins Danny Elfman avec Gus Van Sant sur Will Hunting. En revanche, moi, si je devais citer une BO que j'adore de Danny Elfman en dehors de la collaboration avec Tim Burton, c'est Prêt à tout, To Die For. Oui. Ah oui. Et là, on reconnaît le travail vocal. Dissonance un peu dans l'histoire, tout à fait. Avec Nicole Kidman. Ouais, et c'est une satire. Enfin, la musique, parce qu'il y a aussi la musique qui soutient ou qui contraste. Et là, elle est vraiment en décalage. Il y a une capacité chez Danny Elfman d'être toujours dans l'ironie. Oui, et c'est exactement ça, la musique de To Die For, Prêt à tout. C'est vraiment l'ironie. Et peut-être que Good Will Hunting ou les films de Sam Raimi sont moins dans ce registre-là. C'est ça. Quoique Darkman était des. Enfin, ça reste un proto. Un proto-Batman très très fort. On reconnaît très très fort Danny Elfman quand on écoute le thème de Darkman. Mais il y a eu une dispute avec Tim Burton. Il y a eu une petite brouille. Bah après L'étrange Noël de Monsieur Jacques, le film d'après c'est Ed Wood. Et là c'est Howard Shore qui a fait la musique. Donc c'est une des trois, un des trois films de Tim Burton sans Danny Elfman. Et donc d'où venait cette brouille? On veut savoir, c'est croustillant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Il y a des légendes. Il y a des légendes qui disent que sur L'étrange Noël de Monsieur Jacques, il prenait trop de place. Oui, notamment. Oui, c'est ce que Laurent, c'est ce que Laurent expliquait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il aurait très bien pu être crédité en tant que scénariste aussi. Et je crois qu'après, c'est en effet quelqu'un qui a quand même pas mal de caractère et qui est capable de claquer la porte et que c'est un petit peu ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, c'est une fois de plus, c'est exactement là où je voulais en venir parce que on a affaire à quelqu'un qui est connu pour partir, même si on lui offre un pont d'or si le projet ne lui plaît pas. Et pourtant, paradoxalement, c'est aussi quelqu'un qui a intégré des franchises dont l'identité musicale n'avait pas été établie par lui, que ça soit Mission Impossible, que ça soit même encore très récemment, on l'a vu arriver sur les Avengers avec Age of Ultron, on l'a vu reprendre Doctor Strange, et c'est étonnant pour quelqu'un qui maîtrise tout de A à Z de le voir arriver comme une sorte de mercenaire de la musique à grand spectacle. Alors qu'on l'a vu claquer la porte pour moins que ça. Est-ce que vous avez une réponse à ce paradoxe ? Parfois il fait le job, et il déplore beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle les temp tracks, c'est-à-dire les musiques temporaires, qui fait que toutes les musiques se ressemblent, parce qu'on fait à Hollywood, et aujourd'hui malheureusement aussi en France, ils font leur montage sur des musiques préexistantes. Donc des musiques qui ont déjà fonctionné sur un type de scène donné, hop, on va mettre le même rythme avec une même musique, et Danny Elfman arrive après, et on lui demande un peu de faire la même chose que cette musique temporaire. Et donc aujourd'hui c'est le fléau à Hollywood, ce type de choses. Donc, Danny Elfman va là faire le job, sinon il ferait plus du tout de musique de film à Hollywood. Comment approchez-vous le processus de composition? Vous regardez le film plusieurs fois? Oui, je le regarde plein de fois. Et vous savez, je vis dedans en quelque sorte. Et aussi des fois, vous travaillez sur un film, vous êtes engagé à le faire, vous aimez le réalisateur, mais ce n'est pas un très bon film. Ouais. Vous devez quand même lui consacrer la même énergie, même si vous savez que votre musique ne sauvera pas le film. Et ça rend les choses plus difficiles? Carrément. Et vous faites quoi? Vous faites du mieux que vous pouvez, ça s'appelle être professionnel. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pareil pour tous les gens qui bossent sur le film. C'est fascinant comme processus. C'est un processus fascinant, oui. Quand un très bon film débarque sur les écrans, ça tient toujours un peu du miracle. Vous savez, personne ne se dit qu'il va intentionnellement faire un mauvais film. Un extrait d'une interview sur CBS en octobre 2022 avec Anthony Mason. Et effectivement, ce discours de dire, des fois, on sait que le film est pas bon, mais on va quand même essayer de faire ce qu'il faut pour que ça se tienne, c'est aussi un discours extrêmement rare dans l'industrie hollywoodienne. Et cette conclusion à laquelle arrive Danny Elfman de dire, personne jamais n'a voulu faire dès le départ un mauvais film. Ça me rappelle Ennio Morricone, je crois. Il a dit un peu la même chose d'ailleurs. Il y a cette humilité aussi des compositeurs qui prennent pas trop au sérieux leur art. Je crois que les meilleurs compositeurs de musique de film, c'est le cas d'Danny Elfman et d'Ennio Morricone, c'est qu'ils jouaient en fait constamment et peu importe si la musique ne sauve pas le film. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une humilité et puis surtout de ne pas prendre ce qu'il fait trop au sérieux. Laurent Vallière, parmi l'énorme discographie de Danny Elfman, quelle bande originale a vos préférences ? Oh bah moi c'est Édouard aux mains d'argent, alors là vraiment, c'est la plus magique, hein. C'est la plus somptueuse, c'est la plus, comment dire, féerique. Il y a un paradoxe quand même qu'il ait décidé pour cette histoire qui se déroule en pleine Californie, quand même, dans la banlieue de Los Angeles, qu'il ait choisi d'utiliser cette sorte de musique un peu russe, quoi. Comme si c'était un conte de fées. C'est juste magique, quoi. Vraiment, il y a un contraste en plus avec le personnage extrêmement anguleux. Il fait chanter ses chœurs d'enfant. Ouais, c'est magique. Vous savez, c'est la musique pour le Festival de Cannes qu'on entend à la cérémonie. Je crois qu'elle est devenue iconique, même pour les publicités. Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Non, mais pour l'émission, avant la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, enfin, à l'époque, quand c'était sur Canal+, le générique, c'était extrait de l'étranger, d'Edouard aux mains d'argent. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est l'une des musiques les plus utilisées en publicité aussi. Ouais. Ice Dance, tiré de la bande originale magnifique et choix de Laurent Vallière, d'Edouard aux mains d'argent. Florence Chéron, même question. Quelle est votre bande originale de cœur ? Ah bah ça serait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc bon, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment sur le fait qu'on a à la fois la musique de Danny Elfman, on a le texte de Danny Elfman, mais aussi on a cette voix, et elle a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une capacité à réussir à transmettre les émotions, on a vraiment une musique dans les autres bandes originales, dans Édouard Main d'Argent aussi, mais qui est vraiment un embrayeur comme ça d'émotions, et il arrive à jouer avec sa voix de façon assez extraordinaire, et c'est, je crois, pour ça que, pour toutes ces raisons, que je garderai en premier L'étrange de Monsieur Jack, et peut-être aussi parce que c'est pas un film de Burton. Benoît Mazirico. Donc je vais essayer de trouver autre chose, parce qu'évidemment Édouard Romain d'Argent, voilà, j'ai déjà cité Prêt à tout, mais dans des comédies comme Scrooge par exemple, je trouve ça très très beau, mais j'aime beaucoup aussi ce qu'il a fait pour Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Et là vraiment voilà, Frighteners, c'est un film incroyable à voir, Et partition magnifique. Donc, Fantôme contre Fantôme. Voilà, je vais retenir ça. Bah voilà. Bon, alors, moi, vu que personne ne me demandait, moi, je le dis quand même, hein, Sleepy Hollow. Ah oui. Mais exactement. Parce que c'est pas forcément évident à reconnaître que ce soit Elfman de prime abord, mais je trouve que Burton, comme lui, c'est ce moment où, en fait, on est sorti du conte pour vraiment aller vers une dimension horrifique à la Hammer dans les films des années 30. Et je trouve que Sleepy Hollow, pour l'un comme pour l'autre, c'est le film qu'on ne cite pas assez, alors qu'il est d'une efficacité redoutable. C'est aussi vraiment le moment où j'ai senti que Danny Elfman et Tim Burton avaient décidé de ne plus être gentils. Voilà, avec ce cavalier sans tête qu'on voit avec son visage une seule fois dans le film, et il est interprété par Christopher Walken, et il est tellement terrifiant qu'on préfère quand il a pas de tête. Vraiment, donc Sleepy Hollow, si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite pépite pour moi de Tim Burton et Danny Elfman qui mérite d'être revue en 2023. Alors, il y a effectivement un changement de modèle économique hollywoodien ces dernières années, et qui a fait évoluer aussi la manière de travailler de Danny Elfman. On le voit aussi beaucoup ces derniers temps revenir sur scène. Il a fait des concerts anniversaires du groupe Wango Bongo. Il a rejoué ses bandes originales les plus mythiques sur scène également. Est-ce qu'il y a un problème en ce moment avec l'employabilité de Danny Elfman ? Laurent Vallière, ou est-ce que c'est quelque chose de généralisé à tous les compositeurs de musique de film? Je ne sais pas ce que je pourrais répondre à ça en termes d'employabilité. Je crois qu'il peut-être que la musique de film, vous savez, quand vous êtes compositeur de musique de film, vous avez les projets. Je crois qu'il pourrait en accepter 5 par an, quoi. C'est juste qu'il veut plus. Il a décidé, je crois, il y a une dizaine d'années, de faire 2 bandes originales de films par an. Point. Il veut faire autre chose, il veut s'essayer à la musique sans image, à la musique, entre guillemets, classique. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs, il a commencé, je crois que c'était en 2005, donc il y a 20 ans, il y avait un orchestre qui lui a demandé de composer un morceau, ça s'appelait Serenada Schizophrénia, ou Schizophrénia, pardon. Et ça l'a... Il connaissait pas très bien la musique classique, voilà. Encore une fois, il est autodidacte, et c'est un exercice, presque un challenge, qu'il a envie maintenant de relever. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, en pleine période où Donald Trump était président des États-Unis, il était extrêmement énervé, furieux, presque avec l'envie de déserter son pays, et qui s'est mis à réécrire son dernier album. C'est un album rock quand même, Danny Elfman, un album extrêmement personnel où il exprimait toute son aigreur et tout son énervement. Ça a peut-être commencé parce que son agent, en 2019, lui a dit « ça serait bien que tu remontes sur scène pour fêter je ne sais plus peut-être le 40e anniversaire de Oingo Boingo et puis avec le confinement, encore une fois, ça n'a pas pu se faire. Et il est revenu sur scène effectivement en 2020. On l'a vu bodybuildé comme pas possible, en tout cas plutôt bien, hein, pour un mec qui va fêter ses 70 ans dans quelques jours, avec plein de tatouages partout. Et il était très heureux de pas seulement se confiner à refaire, comme il l'a fait à Londres, à New York, à Los Angeles, des concerts autour de la musique de Danny Elfman, mais de remonter sur scène avec cette petite formation, entre guillemets, rock. Donc j'ai l'impression qu'il a envie, effectivement, de se délier des obligations de la musique de film. Je ne sais pas s'il y a un contexte économique, est-ce que les films intéressent moins, ou tout simplement parce qu'il a envie, encore une fois, de se réinventer, quoi. Oui, j'imagine, enfin, je crois, Laurent, que quand vous dites l'album pendant le confinement, vous parlez de Big Mess. Oui, c'est ça. Qui est un super album, vraiment, je le recommande. Mais très surprenant. Très surprenant. Parce que c'est vraiment rock. Mmh. Ouais. Ouais, très très rock et en même temps très personnel dans le texte, sur sa rage. Il y a aussi cette volonté, et c'est le cas de d'autres compositeurs aujourd'hui, de leur musique a supplanté aussi beaucoup les films et les œuvres. Et donc c'est aussi une justice de se dire, bah là, ça va avec moi la vedette, le public va venir me voir moi, et les albums personnels. Donc il y a un peu ce retour finalement à sa musique. Oui, parce qu'on parlait du fait d'être caché derrière les films qu'il a mis en musique, mais ça a été même encore le cas de films plus récents de Tim Burton, mais notamment Charlie et la chocolaterie, où les Oompa Loompas, cette petite voix particulière, c'est encore Danny Elfman, de nouveau, qui se cache derrière ces personnages, et on en écoute un extrait. So big and vile, so greedy, foul and infantile. Come on, we cry, the time is right, the sand is shooting up the pipe. But don't, dear children, be alarmed. Augustus Gloop will not be harmed. Augustus Gloop will not be harmed. « Danny Elfman, qui, avec le don d'ubiquité, s'est mis à faire tous les Oompa Loompas de Charlie et la chocolaterie. On a le droit de dire que c'est pas notre partition préférée. Bah, vous l'avez dit, mais totalement. Ni le film, d'ailleurs. Oui. Mais d'ailleurs, il y a cette évolution aussi de son jumeau cinématographique, Tim Burton, qui dernièrement, d'ailleurs, ils se sont retrouvés sur le générique et sur de la série Mercredi, ouais, sur Netflix. Et Danny Elfman, Tim Burton, Mercredi de la famille Adams, logiquement, sur le papier, on a l'impression que c'est ChatGPT qui a créé ça. Parce que... mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a... Le premier épisode est bien. Oui, mais enfin, quand même. Bah après, les autres ne sont pas réalisés par Tim Burton. Mais voilà, c'est trop facile, en fait. C'est presque... C'était une évidence trop évidente. C'était une évidence trop évidente. Et en fait, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de victoire de grosses majors face à une vision artistique. Oui, en même temps, alors le projet de Mercredi par Burton date quand même d'il y a pas mal de temps. Je pense que les films de Sonnenfeld l'ont énormément marqué. Mmh. Et c'est dans les tiroirs depuis un petit moment. Sauf que bah, là, Netflix étant bien implanté, je pense qu'il y a eu aussi cette opportunité qui a été offerte à Burton d'aller là-dedans et de pouvoir, oui, avec Christina une Ricci liberté... Christina Ricci qui interprétait Mercredi, oui, et qui jouait également dans Sleepy Hollow. Oui. D'ailleurs, aurait pu être le lien direct, même si elle joue dans oui, dans Mercredi. Mais... Complètement. Et Daniel Elfman qui fait Men in Black du réalisateur de La Famille Adams. De Sonnenfeld. Oui. Tout est lié. Tout est lié. On arrive bientôt, sûrement, vers la fin de cette émission. Mais évidemment, je parle de Daniel Elfman depuis bientôt plus d'une heure. Mais il était évident, vous me connaissez, que je ne pouvais pas passer sous silence Spider-Man, le Spider-Man de Sam Raimi, dont le thème a été composé par Daniel Elfman. Ah, quel thème, mes amis, quel thème composé par Danny Elfman, le Spider-Man de Sam Raimi. Laurent Vallière, en 2022, a eu lieu le concerto pour violoncelle, parce que je suis une quiche en musique classique, donc vraiment que les initiés m'excusent, avec Gauthier Capuçon et l'Orchestre Philharmonique de la Maison de Radio France. Oui. Donc, comment est né ce projet et pourquoi Oh bah alors là, toute façon, dès que vous parlez à Danny Elfman, ah bah on m'a dit ça, bah j'ai jamais fait, je sais pas ce que c'est qu'un concerto pour violoncelle, mais en fait, à un moment, quand je lui pose la question, il me dit, moi je suis une pute de la musique classique. Donc on me propose quelque chose, je dis oui à tout. Donc le tout premier, c'était je crois un concerto, un piano quartet. Donc il savait pas ce que c'était. Il a dit oui. Il savait pas ce que c'était un piano quartet. Il avait eu peur que c'était un quatuor de piano. Il s'est dit mais comment je vais composer pour quatre pianos en même temps ? En fait non, c'était pas ça. C'était une petite formation de chambre avec piano. Et il y en a très peu. Et donc il a écouté les seuls qui avaient été composés par des compositeurs classiques. Et là c'est Gauthier Capuçon qui est allé le voir en disant mais ça vous dirait pas de composer pour moi un concerto ? Donc il dit toujours oui. Donc ça c'est quand même pratique. Quelqu'un qui dit toujours oui. Et c'était une commande de l'orchestre de Radio France, en fait. Ah, donc Radio France sont comme ça. Ils se font des commandes auprès de Danny Elfman. Ouais. Ils se font des kiffs. Ouais, exactement. C'est bien, ça. Ça a été créé il y a un an maintenant, en mai dernier, à la Philharmonie de Paris. Il savait même pas ce que c'était, j'allais dire, quand on lui a demandé une première symphonie, il savait même pas ce qu'une symphonie c'était, il y avait tant de mouvements, etc. Mais il adore apprendre. Et moi, je lui disais quand même, comment vous faites pour composer sans le ressort de l'image? Parce qu'en fait, quand vous écoutez quand même les concertos, tout ce qu'a composé sans image, des œuvres sans image, Danny Elfman, moi je vois des films. Il me dit non, pas du tout. Mais il raconte qu'en fait, il écrit plein de choses, et après il essaye d'assembler les notes qui s'aiment, vous savez, les choses qui vont bien ensemble. Bah, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu la marque d'un génie, en fait. Et oui, tout à fait. Mais par contre, comme il dit lui-même qu'il ne sait pas quelle virtuosité on peut proposer à un violoncelliste. Donc il montre à Gauthier Capuçon les notes qu'il a faites pour savoir si c'est quand même jouable. Il y a quelqu'un qui a été très important pour Danny Elfman qu'on n'a pas cité, on cite rarement les orchestrateurs, c'est Steve Bartek, oui. Qui a vraiment auprès de lui la science de l'orchestration. Oui, et puis qui le suit depuis très très longtemps. Oui, c'était des amis de longue date. Oui, déjà à Ongo Bongo, il était déjà présent, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est vraiment, ils se suivent depuis beaucoup plus longtemps que... tous les réalisateurs. De toute façon, on n'aura pas la prétention d'être exhaustif sur le sujet en 1h20, mais en tout cas, si on a réussi à donner envie aux auditeurs et auditrices de se replonger dans l'œuvre de Danny Elfman, eh ben, la mission sera remplie. Merci beaucoup, merci Laurent Vallière, merci Benoît Basirico, merci Florence Chéron d'avoir été avec moi pour cette émission. L'émission a été réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et à la technique aujourd'hui, Florian Dorimini. Je rappelle que vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20, c'est votre répondeur, donc n'hésitez pas à laisser des messages ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et dans 15 jours, on va se retrouver pour parler d'un sujet totalement différent mais qui a lui aussi sa part de poésie, Zelda Breath of the Wild, dans 15 jours. Blockbuster est un podcast original de France Inter.